L'association d'amitié slovénie-coréen a présenté le 3 juin, dans son page d'internet, l'œuvre classique du général Kim Jong-il, « Notre socialisme axé sur les masses populaires est invincible ».